Plage 6. La tablette, seconde partie. La nature n'aime pas le vide. Elle adore remplir les espaces vacants, et il en va de même pour nous, et surtout pour notre mental. Aussi, si dans l'exercice qui a précédé, nous avons effacé certaines programmations handicapantes, ainsi que les mémoires qui y étaient reliées, nous allons les remplacer par des programmations positives dans ce qui va suivre. Elles vous apporteront la plénitude et le bien-être dans le domaine sur lequel vous avez travaillé, ou bien elles substitueront de la sérénité à l'événement difficile que vous venez de nettoyer. Elles seront également un début de visualisation quant à ce que vous attendez pour ce même domaine, car vous allez pouvoir vous imaginer dans les meilleures conditions qui soient, afin d'attirer à vous ce qui vous tient le plus à cœur. Pour débuter, gardez les yeux fermés et respirez profondément, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Continuez. Ressentez la paix et le bien-être parcourir tout votre être, ainsi que votre corps. Vous êtes léger et votre esprit est calme. À présent, reprenez votre tablette virtuelle. Vous pouvez le faire physiquement avec vos bras et vos mains si vous le désirez. Retournez dans le menu d'accueil et sélectionnez l'application Photo. Ouvrez-la et commencez à feuilleter vos albums. Faites avancer les clichés tranquillement avec votre doigt comme vous le faites dans la vraie vie. Promenez-vous, prenez le temps de les regarder. Maintenant, vous tombez sur une minuscule photo. Elle ne mesure pas plus de quelques millimètres de diagonale et cela vous intrigue. Que peut-elle bien représenter? À l'aide de votre pouce et de votre index, élargissez-la jusqu'à ce qu'elle occupe toute la surface de votre écran. En l'observant, vous constatez qu'elle représente une scène heureuse de la vie à laquelle vous aspirez, en lien direct avec le domaine ou l'événement que vous avez nettoyé dans l'exercice précédent. Par exemple, si vous avez travaillé sur votre solitude affective, vous pouvez vous voir dans les bras de la personne qui partage votre vie, à moins que vous ne soyez attablé en tête-à-tête dans un restaurant. Si c'est le domaine financier que vous avez déprogrammé, vous pouvez vous visualiser avec une grosse liasse de billets en main, ou encore sautant en l'air, en pleine forme, si c'est votre bien-être physique qui est l'objet de cet exercice. Tout est possible là aussi. Faites confiance à votre imagination. Prenez le temps de savourer cette image heureuse de vous-même et faites appel à vos cinq sens. Imaginez l'odeur du lieu, le goût que vous avez dans la bouche. Observez, écoutez et touchez tout ce qu'il y a sur cette photo. Soyez en contact avec votre ressenti et les sentiments qui naissent en l'observant. Maintenant, allez dans le menu de la photo et sélectionnez l'option « Modifier les paramètres ». Puis, améliorez la photo. augmenter le contraste, la luminosité, les couleurs, ajouter des filtres. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour la rendre encore plus belle et plus réaliste. À présent, utilisez à nouveau votre pouce et votre index pour l'agrandir. Autant que vous le pouvez, faites-la sortir du cadre de votre tablette, jusqu'à ce qu'elle apparaisse comme un écran géant devant vos yeux, qu'elle devienne immense, qu'elle occupe tout l'espace devant vos yeux. Imprégnez-vous au maximum de ce que cette photo dégage. Du bonheur qui s'est amplifié en même temps que vous avez agrandi votre image. Vous ne faites plus qu'un avec elle. Elle est votre nouvelle réalité et tout ce qui émane d'elle s'incruste en vous. Faites-la devenir vivante. Tout ce qui est dessus est en train de se réaliser, ici et maintenant. Laissez-vous submerger et aspirer par elle. Ressentez la volonté intense de parvenir à cet objectif enflé en vous. Votre plexus solaire est gorgé de ce désir qui vous submerge. Conservez votre image grande et réelle, ainsi que le sentiment de bonheur qui s'est imprégné en vous. Retournez dans le menu de votre photo. Sélectionnez « Sauvegarder les modifications ». Cliquez dessus avec votre doigt. Votre tablette vous demande si vous êtes sûr de vouloir conserver les modifications. Cliquez sur « Oui ». Désormais, ce que vous avez devant les yeux est votre nouvelle réalité. Tout est déjà matérialisé. C'est ce que vous vivez. Il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire. Nettoyez les mémoires qui peuvent encore faire obstacle à la manifestation de ce désir. Aussi, dites avec force et autorité, avec l'aide de l'énergie divine qui est en moi, avec l'aide de l'énergie divine qui est en moi, je nettoie maintenant toutes les mémoires qui me séparent de ce que je désire, toutes les mémoires qui me séparent de ce que je désire, des plus anciennes aux plus récentes. Des plus anciennes aux plus récentes. Et maintenant, faisons ce nettoyage ensemble. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà. À présent, votre subconscient est reprogrammé pour le meilleur et Ho'oponopono a nettoyé les mémoires pouvant vous séparer de la réalisation de vos objectifs. N'hésitez pas à refaire cet exercice afin de contrer les mémoires les plus tenaces, les plus enracinées et surtout les plus anciennes. Mais surtout, gardez l'œil ouvert afin de ne pas manquer les signes qui vous mèneront vers le bonheur qui est sur cette image. Si vous le souhaitez, vous pouvez arrêter vos nettoyages ici. Prenez le temps de revenir à cette réalité, ainsi que pour rouvrir les yeux. Rien ne presse. Si vous désirez poursuivre ce voyage dans le monde de Ho'oponopono, alors gardez une respiration calme et profonde, ainsi que les yeux fermés.